Noël d'Éthiopie par Hugues Leroux. On s'attend à ce que Noël, en Amhara, cela se dit à Lindet, soit fêté sur le plateau éthiopien avec une dévotion extraordinaire. C'est entre le IIIe et le IVe siècle que l'Éthiopie est devenue chrétienne. Comme sa foi nouvelle lui arrivait par Byzance, elle a pieusement reçu tous les rites byzantins et les a accommodés à sa simplicité de banlieue africaine. La fête tombe en janvier. Elle dure 8 jours. L'empereur, ses ras, ses gratsmatch, ses dejsamatch se rendent à l'église en grand costume de guerre. Sans doute on fait promener devant soi, par un page, le bouclier d'hippopotame incrusté de lames d'or ou d'argent. Mais aussi, on appuie à son épaule une carabine moderne, généralement la Lee Metford. Les moines et les religieuses portent 3 fois autour de l'église les images saintes. Ils font baiser les pieds de ces icônes à la jeunesse et aux dévots. L'empereur donne l'exemple. La cérémonie la plus caractéristique du Noël éthiopien est une baignade dans les torrents et dans les rivières. Après que les eaux ont été bénies et qu'on y a jeté des fleurs, les jeunes gens s'y précipitent nus. En s'y plongeant, ils s'imaginent renouveler la cérémonie du baptême. Il arrive que l'empereur vienne présider à ces ablutions sacrées. Il y paraît entre deux de ces formidables festins qui durent du petit matin à la fin de la journée et où s'attable, chaque jour, 4 ou 5 000 soldats. Ces banquets sont servis dans un long vaisseau, tout fer et céramique, dit l'Aderache, qui a 50 mètres de long, 30 de large. Des tables rondes, en jonc, sont recouvertes d'étoffes voyantes. Elles s'alignent comme d'étranges fleurs. Une fanfare d'instruments de bois, les mélécates, droits comme les trompettes d'Aïda, sonnent l'entrée des convives. L'empereur est assis au centre d'une petite estrade, servie à part sur une table légère. Il est recueilli, car cette cérémonie lui rappelle la scène. Il sent qu'il communie avec son armée. Et afin d'entretenir éveillé chez ses rudes soldats le respect que l'on doit à la fête de Noël, au cours de ses banquets, 3 fois, chaque jour, pendant quelques instants, Ménélique se coiffe de la lourde et symbolique couronne impériale, sous laquelle il semble vraiment le fils de Melchior, le mage à la figure noire, qui apporta l'encens et la myrrhe au berceau de l'enfant Jésus.